Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Pourquoi refuser de savoir? Cette question, elle se pose à nous tous, mais parfois, elle peut avoir des répercussions inouïes. Pourquoi Staline a-t-il refusé de reconnaître qu'Hitler était sur le point de l'attaquer? C'est le Super Fail historique de la semaine. Dans les premières minutes de l'attaque allemande, 1500 appareils soviétiques sont détruits au sol. Dans les premières heures, 400 autres avions russes sont abattus en vol par les Allemands. Surprise, dépassée, l'armée de l'air soviétique semble rayée du ciel. L'offensive allemande se déchaîne sur 3000 km dans trois directions. La Pravda, le journal officiel du Parti communiste, annonce l'agression fasciste. Mais où est Staline ? Il se cache, horriblement déçu et paniqué par les premières nouvelles catastrophiques de la frontière. L'avance des Allemands est foudroyante. Le lieutenant von Kagenek s'enthousiasme. Un spectacle incroyable s'offre à mes yeux. Tout notre régiment de Panzer se déploie. Nos chars, hauts et fiers comme des bateaux, voguent sur une mer jaune de blé mûr. Jean Lopez, vous êtes historien de la Seconde Guerre mondiale, directeur de la rédaction de Guerre et Histoire, et vous publiez Barbarossa 1941, la guerre absolue, un ouvrage très impressionnant avec Lacha Otekmezouri qui a coécrit ce livre avec vous. Il s'agit de comprendre pourquoi Staline a refusé de reconnaître non seulement que la guerre avec Hitler était inéluctable, mais aussi imminente. Oui, c'est effectivement un cas avéré d'échec massif, majeur, de cécité sur la réalité. Il y en a d'autres en histoire militaire, hein, bon, sauf que c'est là où les conséquences sont les plus dramatiques. Hein. Si vous permettez, juste, il y a eu quand même d'autres échecs. Roosevelt à Pearl Harbor, avant Pearl Harbor, ne voit pas, les Américains ne voient pas les signes. La Corée, 1950, les Américains ne voient pas les signes. Israël, octobre 73, le Kippour, ne voit pas les signes. En histoire militaire, ça va nous faire beaucoup de superfaits. Ça vous fait beaucoup de superfaits, mais on se rend compte que autant il est facile de détecter une concentration de troupes, autant il est difficile de deviner quelle est l'intention qui se cache derrière. Car ces troupes qui se massent sur ma frontière, elles peuvent être là pour différentes raisons. Elles peuvent être là pour faire pression sur moi. C'est une forme de pression pour m'amener à faire quelque chose que je ne ferais pas spontanément. C'est pas forcément pour m'attaquer. Ça peut être aussi un leurre pour dissimuler une attaque qui aura lieu ailleurs. Donc c'est pas aussi simple. Il suffit pas de voir qu'il y a du monde à la frontière pour de facto en déduire qu'une attaque est dans les tuyaux. Et cependant, c'est vrai que quand on voit les quantités en jeu, on se demande comment ça n'a pas un peu plus agité Staline. C'est-à-dire l'état des troupes... 3 millions de soldats allemands massés sur une bande de 100 km, sur environ 1800 km de frontière, 600 000 véhicules, 600 000 chevaux, un trafic aérien intense, ça ne passe pas inaperçu. Et alors, que se disait Staline à l'époque ? Alors, le problème, voyez-vous, c'est qu'il a reçu, entre juillet 40 et le 22 juin 41, il a reçu environ 300 rapports. Ces 300 rapports, ils disent des choses qui sont très contradictoires. Parce que les agents soviétiques, et ils sont très nombreux, les agents sur le terrain, parfois infiltrés profondément dans la machine de guerre nazie. C'est-à-dire certains travaillent, par exemple, à l'état-major général de la Luftwaffe, d'autres dans les services diplomatiques, d'autres dans les services économiques. Il y a une vingtaine d'agents de première grandeur qui sont assez bien placés. Donc Staline reçoit des informations d'un peu tous les secteurs. Et alors ces gens-là ne lui disent pas « Hitler va nous attaquer » ? Oui, mais ces gens-là qu'on voit d'abord, ces gens-là se trompent la plupart du temps dans les dates, ce qui fait qu'on lui promet une attaque le 15 mars, rien ne se passe, puis le 1er avril, rien ne se passe, puis le 10 mai, rien ne se passe, puis le 1er juin, rien ne se passe. Au bout d'un moment, évidemment, l'émetteur de ces informations se discrédite. Ensuite, on mélange le vrai et le faux, parce que Hitler Hitler est quand même un spécialiste de la désinformation. C'est un roi de la manipulation, c'est un prestidigitateur, littéralement. Il a donc fait noyer, depuis le début de l'opération Barbarossa, il fait noyer Staline dans de fausses informations. Ces fausses informations, comment les trier quand on dit, quand Staline reçoit l'information selon laquelle il y a 120 divisions sur sa frontière, on lui dit qu'en même temps, il y en a 120 face à l'Angleterre. Alors, qui Hitler va-t-il attaquer? Est-ce qu'il fait semblant d'attaquer l'Angleterre pour attaquer en réalité l'Union soviétique? Ou est-ce qu'il fait semblant d'attaquer l'Union soviétique pour mieux surprendre les Britanniques? Sans arrêt, le vrai et le faux se mêlent. Il n'y a rien d'univoque dans ce type d'information militaire. Le fait que Staline soit un dictateur, si j'ose dire, de la pire espèce, même si à l'époque il y avait compétition, est-ce que ça influe sur le système de renseignement, Jean Lepez? Absolument. Ça influe de diverses manières. La première, c'est qu'il a décapité, décimé à plusieurs reprises ses services de renseignement. Il y en a deux, celui de l'armée, le GRU, celui du ministère de l'Intérieur, le NKVD, qui deviendra le NKGB un peu plus tard, ont été décapités à plusieurs reprises. Les différents directeurs ont été assez régulièrement fusillés. Celui qui est nommé fusillé parce que, dans le cadre général des purges, une méfiance générale de Staline, il a fait fusiller ses meilleurs maréchaux, il a fait fusiller en gros plus de 12 000 officiers de l'armée rouge, ceux du renseignement qui étaient plus suspects que les autres d'être infiltrés par l'ennemi, d'être éventuellement des espions au service de l'ennemi, ont payé leur part de cette grande folie stalinienne de 37-38. Celui qui est nommé en juillet 1940, Philippe Golikov, le général Golikov, qui est à la tête du GRU, le service de renseignement militaire, connaît ce passif. Il est donc extraordinairement prudent, c'est sa tête qu'il joue. C'est pas qu'une affaire professionnelle, c'est une affaire de vie ou de mort pour lui. Donc il sait ce qu'attend Staline. Staline campe sur cette position extrêmement rationnelle. Hitler ne peut pas, n'a pas intérêt à m'attaquer en 1941. D'une part parce qu'il est coincé à l'ouest dans une guerre avec l'Angleterre dont on ne voit pas la fin, d'autant plus que l'Amérique de Roosevelt s'implique de plus en plus dans le conflit, notamment ouvrant sans retenue les vannes de sa puissance économique. Comment pourrait-il vouloir se mettre l'armée rouge sur le dos? Et deuxième élément, depuis août 1939, l'Union soviétique gave littéralement le Troisième Reich de ses ressources minérales et agricoles. Quel intérêt Hitler a-t-il à faire cesser cette situation extrêmement lucrative? C'est aussi dans l'intérêt, cette situation est aussi dans l'intérêt de Staline qui désire demeurer neutre dans ce conflit de façon à intervenir, et il sait qu'il interviendra, mais au moment qu'il a choisi et qui sera le moment le plus décisif. Donc son analyse est celle-là et il estime que tout ce qu'on lui propose peut être interprété différemment de ce que nous savons, puisque nous connaissons la fin de l'histoire. Pour lui, il a raison ou il a tort, Jean Lepez? Est-ce que, rationnellement, il était effectivement dans l'intérêt d'Hitler d'attendre? On peut imaginer qu'Hitler ait attendu au moins une année supplémentaire. Oui, absolument, il n'y avait rien d'obligatoire, il n'y avait rien d'absolument déterminé dans l'opération Barbarossa. C'est un choix qu'Hitler a imposé, c'est un choix stratégique qui ne va pas de soi. Il y a des solutions alternatives. Il y avait des stratégies alternatives en Méditerranée, il y avait des stratégies alternatives au Moyen-Orient qu'il n'a pas voulu examiner. Il a choisi, pour des raisons idéologiques et parce que c'est véritablement son obsession depuis les années 20, il a choisi d'attaquer l'Union soviétique. Mais il n'y avait pas obligation, il faut bien le comprendre aussi. Il n'y a pas une obligation vitale d'attaquer l'URSS. Donc on a affaire à deux joueurs qui sont de différentes natures. Un Staline, qui est un joueur d'échecs, parfaitement rationnel. Si j'avance cette pièce, quel est mon avantage? Quel inconvénient vais-je créer chez l'autre? Du côté d'Hitler, vous avez un joueur, mais un joueur de casino. Mais enfin, Jean Lepez, il suffisait d'ouvrir Mein Kampf pour savoir que la Russie et la notion d'espace vital allemand étaient une obsession chez Hitler, et ça n'est pas uniquement dans Mein Kampf, c'est un fil conducteur de sa pensée. Oui, certes, mais Staline est un marxiste. Il se pose comme le digne héritier de Lénine, il a donc une analyse de classe, et il voit... Il reprend les analyses du Comintern, donc de l'international communiste, qui lui dit que le Troisième Reich est une construction complexe dans laquelle interviennent différentes forces. Il y a des forces agressives et bellicistes autour de Göring, d'Himmler et du grand état-major. Et puis, il y a des forces qui sont plus favorables à une entente avec l'Union soviétique autour de Ribbentrop. Et il se met en tête que Hitler serait un peu comme le fléau de la balance. Sa décision dépend du poids relatif de ses lobbies, en quelque sorte. Ce en quoi il se trompe totalement, ce en quoi il n'a pas compris la nature du Troisième Reich. Il s'imagine que la décision d'Hitler dépend, par exemple, des intérêts du patronat allemand. Mmh. Voilà une analyse classique marxiste. Mmh. Le patronat allemand n'a pas intérêt à m'attaquer puisqu'il tire des matières premières de chez moi. Donc il imagine un jeu, un théâtre politique qui ne correspond pas du tout à la réalité du Reich. Ça veut dire qu'il ne comprend pas du tout, Jean Lopez, que vous rappelez dans votre ouvrage Barbarossa 1941, La guerre absolue, publié aux éditions Passé Composé, Staline ne comprend pas qu'Hitler entend finalement faire subir aux Slaves, à terme, un peu le même sort qu'aux Juifs. Les Slaves, peut-être ça peut se discuter, puisqu'ils s'entendent très bien avec les Slovaques, par exemple, ou avec les Croates, qui sont des Slaves, et finalement, le sort des Tchèques, il y a plusieurs notations dans le journal de Goebbels qui montre que finalement, l'antislavisme, c'est peut-être pas fondamental. L'antijudaïsme, il est absolument fondamental. Non, l'antijudaïsme, il est absolument au cœur. Donc, quand il dit on a besoin, par exemple, des terres de l'Ukraine, on n'a pas besoin des gens qui sont dessus. Oui, ça, effectivement, c'est... Mais ça, ce sont des écrits. Ce sont des écrits de jeunesse, entre guillemets. Est-ce que pour autant, c'est l'idéologie qui domine dans ce domaine? C'est très curieux, d'ailleurs, parce que pour Staline, il y a les intérêts avant l'idéologie. Hitler a dit plusieurs fois qu'il avait changé, qu'il a déclaré que « oui, aujourd'hui, je ne réécrirai pas Mein Kampf ». Donc, c'est pas évident qu'à l'époque, on ait considéré ça comme un programme. Puis, si vous me permettez, il y a comme un élément fondamental, c'est que tout le monde s'est trompé Churchill s'est trompé, les services secrets britanniques et américains se sont trompés. Jusqu'en avril 1941, personne ne croit qu'il va attaquer l'Union soviétique. Alors, toujours si on essaye de voir les arguments en faveur du caractère inéluctable de cette attaque, Jean Lopez, vous rappelez par exemple que l'obsession de l'espace vital chez Hitler, elle est aussi profondément liée à l'obsession de la faim et donc de l'obligation de nourrir les populations allemandes qui passent, selon lui, par là aussi la terre russe sans les gens qui sont dessus. Oui. Mais Staline lui livre 2 millions de tonnes de blé par an. Il le gave, il lui donne le pétrole. Il lui fait passer le soja qui vient d'Extrême-Orient par l'intermédiaire du Transsibérien. Tout ça aux dépens de l'économie soviétique. Il le sert dans des conditions financières extrêmement avantageuses pour le Troisième Reich. Il faut revenir aux deux grands accords économiques qui sont une aubaine formidable pour les Allemands. Il faut quand même se pénétrer de cette chose qu'on n'a peut-être pas assez compris aujourd'hui et médité, c'est que sans le pétrole soviétique, l'attaque de la France en 1940, la bataille d'Angleterre en 1940 également, n'aurait pas été aussi facile. Les Allemands auraient été très vite à court de pétrole. Il a tout. Donc rationnellement, pour Staline, ça ne pose pas de problème. Tant que l'accord de 1939 tient, pourquoi est-ce que Hitler irait prendre tous les risques en l'attaquant ? Il fait une analyse rationnelle, encore une fois. Il met l'idéologie nazie au second plan. Il dit non, ce sont les intérêts. Et ça, si vous permettez, je pense que c'est une lecture marxiste extrêmement primitive de penser que ce sont les intérêts matériels qui font toujours l'histoire. Là, il s'est trompé. Alors, l'irrationalité de Staline, elle consiste à oublier ou omettre, en tout cas le fait que pour Hitler, c'est plus simple, finalement tout simplement, de piller ce qui appartient à l'Union soviétique plutôt que tout simplement de se le faire livrer, surtout qu'il y a un sentiment de supériorité face à une armée rouge qui est là aussi profondément dévalorisée dans l'esprit des stratèges allemands. Totalement, dont celui d'Hitler, dont celui des professionnels de la Wehrmacht. L'armée rouge est une armée importante, en volume, mais pour laquelle ils éprouvent un mépris assez profond, en pensant que les cadres ne sont pas à la hauteur, surtout qu'ils ont été décimés en 37-38. C'est ça, il n'a pas complètement tort au vu des purges staliniennes. Alors, Staline est conscient, probablement, de la faiblesse de son appareil militaire. C'est la raison pour laquelle il fait tout pour reculer la guerre en 1942. On a un certain nombre de textes qui montrent qu'il pense qu'il y aura la guerre en 42, mais il ne la veut pas en 41, son outil militaire n'est pas prêt. C'est la raison pour laquelle il fait du wishful thinking. Il voudrait que la guerre se produise en 42 et pas en 41. Il va donc se mettre dans la logique de « si je ne fais rien pour provoquer les Allemands, on va gagner un mois, deux mois, trois mois », il le dit à son chef d'état-major Joukov, « il faut gagner six mois pour arriver à l'automne. Si on tient jusqu'à la fin août, les Allemands n'attaqueront plus en 41. » Mais là aussi, parce que, évidemment, a posteriori, tout est plus clair. Lorsque vous évoquez Joukov, dont vous avez fait une biographie, également Jean Lepez, la question qu'on se pose, c'est pourquoi cet homme qui savait de toute façon que c'était une alliance entre deux crocodiles, qu'il y aurait un moment où l'un attaquerait l'autre, pourquoi a-t-il décimé les forces vives de son armée? Je parle évidemment de Staline. En 1937-1938. Oui, ben ça c'est la logique un petit peu folle. Alors d'abord, il faut remarquer que numérique il a effectivement les purges arrivent à retrancher des cadres de l'armée rouge, 27 000 hommes dont environ 10 000 sont exécutés. Je me souviens plus des chiffres, mais vous êtes là d'ailleurs pour les rappeler. Mais je vous les donne. Les généraux, par exemple, il n'y a quasiment pas de survivants. C'est pas important pour lui parce que si vous voulez, il raisonne plutôt en termes quantitatifs. Il y a suffisamment d'écoles de formation, la relève arrive très vite. Il préfère une armée avec des gens peut-être moins capés, mais qui sont politiquement fiables. Ça, c'est son calcul, évidemment. Je pense que Tourachevski, qui était le grand maréchal, un des grands penseurs et théoriciens soviétiques, n'était pas anti-bolchevique. C'est un bolchevique absolument 100% et tout à fait fiable. Mais Staline, pour des raisons qu'on ne va pas développer ici, s'est persuadé que ces gens n'étaient pas des gens fiables en cas de guerre. Une fois qu'il a fait le ménage, il préfère avoir cette armée aux ordres, peut-être moins brillante, avec des chefs moins brillants, mais avec des chefs sur lesquels il peut compter. Il a toujours fait passer la fidélité politique, la fiabilité politique, avant le professionnalisme. Ça, c'est une constante, même en économie. Il a fait liquider des ingénieurs extrêmement brillants. Il a fait passer en procès des ingénieurs allemands qu'il avait fait venir à prix d'or en Union soviétique, parce que ces gens n'étaient pas fiables politiquement. Et puis alors, vous rappelez, Jean Lepez, une histoire absolument hallucinante. Vous rappelez que Staline avait pratiquement un canal d'information direct sur ce que disait Hitler. Et il faut nous raconter cette histoire. Alors, la scène se passe à Berlin, à l'état-major général de l'armée allemande, la petite Reichswehr, dans la salle à manger du chef de cette armée allemande, qui s'appelle le général von Hammerstein-Eckford. Hitler s'est invité au dernier moment pour l'anniversaire du baron von Neurath, et puis tout le monde est à table, il y a madame Hammerstein qui participe en bonne hôtesse au repas. Hitler se tient absolument silencieux jusqu'au moment où madame la baronne monte dans ses appartements et laisse ses messieurs entre eux. Et là Hitler se dresse et annonce, il n'y a que 4 jours qu'il est au pouvoir. Il annonce au chef de l'armée allemande qui vient chercher auprès d'eux une alliance. Il leur apporte une mise au pas de la nation allemande, une militarisation des esprits. Il leur promet de briser le diktat du traité de Versailles et d'avoir une politique extérieure extrêmement offensive. Et il annonce, oui, je veux conquérir un espace vital à l'Est, qui sera un espace vital débarrassé des humains qui l'encombrent. Il le dit. Alors, tout le monde n'a pas été surpris, il avait quand même laissé filtrer un certain nombre de choses, mais ce qui est extraordinaire, c'est que il y a un protocole de un protocole qui n'est pas secret parce que la réunion a été annoncée dans la presse. Il y a un protocole qui est dressé de ce discours de 2 heures d'Hitler. Et ce protocole traîne sur le bureau du général Hammerstein-Eckford. Sa fille, Helga, qui vit à l'étage supérieur, s'introduit dans le bureau du père et elle recopie l'intégralité du protocole du discours d'Hitler. Et elle le remet à son amant, un jeune juif qui s'appelle Léo Roth et qui se trouve être le chef du service de renseignement du KPD, le puissant parti communiste allemand. Elle lui remet le protocole du discours d'Hitler. Roth, évidemment, le fait remettre à son agent traitant qui envoie tout ça, est envoyé par radio ou NKVD à Moscou. Ce qui fait que 6 jours après l'événement, Staline a sur sa table le verbatim du discours et des intentions d'Hitler. Vous me direz, mais n'était-ce pas suffisant? Mais c'était en 1933. Il s'est passé bien des choses entre-temps. Non pas que Staline l'ait oublié, mais il a pu penser que ce qui était un programme politique qui avait été écrit à une époque donnée n'était plus valable en 1939, après les accords Ribbentrop-Molotov. Il fait passer encore une fois l'idéologie au second plan et il met en avant les intérêts stratégiques et matériels de ce qu'il pense être ceux du Reich. Mais alors, est-ce qu'Hitler était, sur ce type de questions, un homme versatile, Jean Lopez? Est-ce que l'on peut imaginer aussi que Staline se soit dit, bah voilà, il a changé d'avis? Oui, je dirais que cette versatilité, c'est surtout un goût du secret, une capacité à méditer seul, à changer de discours en fonction de l'interlocuteur et à frapper au moment le plus décisif, brutalement, en ayant soin d'avoir égaré ses interlocuteurs. Il a fait comme ça avec les Polonais, il a fait comme ça pendant la nuit des longs couteaux en 1934, il a fait comme ça quand il a réarmé en 1935, quand il a occupé la Rhénanie en 1936, quand il a attaqué la Pologne en 1939, etc., etc. Hitler est un joueur dont la principale arme est la surprise et la violence du coup. Churchill avait bien analysé cette façon de faire. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que Staline n'a pas su comprendre que peut-être c'est un coup de cette sorte qui allait lui tomber dessus. Et je crois que Joukov le dit à un moment, le pire, c'est de prêter à l'autre ses propres pensées, ses propres calculs. C'est ça l'erreur monumentale qu'il a faite. C'est-à-dire que Staline pensait qu'il y avait une forme de construction mimétique, il pensait qu'Hitler raisonnait comme lui. Exactement, c'est ça tout le problème. Je pense que le cœur est là, il pense qu'Hitler est un être absolument rationnel. Ce n'est pas son intérêt militaire, stratégique et économique de m'attaquer. Il ne m'attaquera pas cette année. En tout cas, pas tant qu'il aura trouvé un arrangement avec l'Angleterre. Mais là aussi, parce que c'est quelque chose d'étonnant de dire que Staline est rationnel, alors que dans votre livre, vous rappelez les purges, des purges qui d'ailleurs n'ont jamais cessé véritablement. Comment imaginer que cet homme qui finalement, vous le dites, exécute des hommes extrêmement fidèles en inventant des prétextes complètement absurdes, pensez-vous que Staline était dupe des motifs qu'il invoquait pour exécuter ses hommes? Oui, il croit réellement, prenons le cas de Tourachevski, il croit que Tourachevski est un Bonaparte en puissance. Ça, il en est persuadé. D'abord parce que c'est un bolchevique. Je vous rappelle que le bolchevisme, c'est un coup d'État au départ. La prise du pouvoir d'octobre, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État et il a peur de voir le régime soviétique périr par un coup d'État militaire. Donc Tourachevski est un homme en qui il n'a pas une confiance exagérée, c'est un ancien officier du Tsar, c'est un homme brillant qui se fait beaucoup remarquer, il n'a pas un profil bolchevique classique, Tourachevski. Donc il a réellement pensé que celui-là était un ennemi. C'est vrai qu'il est paranoïaque, il est profondément paranoïaque, il voit des ennemis partout. Mais cette paranoïa est réelle dans son esprit, littéralement elle est réelle. Et c'est cette même paranoïa qui lui fait douter de toutes les informations concernant l'attaque allemande. Pensez que Churchill, en avril 41, le prévient expressément. Et là, vous avez un cas quand même parfait. Churchill lui dit « Attention, vous allez être attaqué par les Allemands, j'ai les informations. » Sauf que, d'où viennent les informations de Churchill? C'est les décryptages électromagnétiques de l'équipe de Alan Turing à Bletchley Park, qui montrent qu'on voit se déplacer les instruments offensifs de la Wehrmacht, Luftwaffe et division Panzer se rapprochent de la frontière. Mais il ne peut pas révéler la source de ces informations. C'est le secret le mieux gardé de la Seconde Guerre mondiale. Il ne peut pas dire à Staline « J'ai une équipe qui lit les messages de l'armée allemande ». Donc, que croit Staline? Staline croit que simplement Churchill veut le brouiller avec Hitler, c'est tout. Et donc, il l'écarte. Juste pour en terminer avec la paranoïa de ces deux hommes, Hitler était tout aussi paranoïaque. Pourquoi laisse-t-il, je crois, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a pas de purge pour l'appareil militaire nazi sous Hitler? Il y en aura une après l'attentat du 20 juillet 1944. Ouais, là, pour mais le coup, c'est très tardif et puis elle est extrêmement limitée, cette purge. Là, c'est dans des circonstances tout à fait particulières. En dehors de ça, Jean Lopez. Bah, écoutez, globalement, une fois, si vous voulez, la violence du nazisme, c'est une violence qui s'exerce vers l'extérieur. Les juifs allemands pour Hitler ne font pas partie de la nation. Donc une fois qu'il a extirpé, complètement marginalisé, mis de côté les juifs allemands, pour le reste, il est beaucoup moins dur avec son propre peuple et beaucoup moins dur avec son armée que Staline ne l'a été avec son peuple et avec son armée. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux violences. La violence nazie, elle est dirigée vers l'extérieur. La violence du stalinisme, elle est d'abord dirigée contre son propre peuple. Ça, c'est une des différences fondamentales entre ces deux dictatures. Dernière interrogation, Jean Lopez, lorsqu'on voit donc que Staline refuse de penser la guerre comme inéluctable et imminente, qu'est-ce que ça a changé sur le déroulé des événements, vous qui signez Barbarossa, le récit de cette bataille incroyable, parce que c'est 200 jours, 5 millions de morts. Alors je dirais que cette surprise du 22 juin 41 a surtout fourni aux militaires soviétiques un alibi commode pour masquer leurs fautes et leurs erreurs. Ils ont, en gros, après la guerre notamment, après la déstalinisation lancée par Khrouchtchev en 1956, ils ont expliqué le début catastrophique de la guerre par cette surprise et donc par la faute de Staline. Ce qui leur permettait de s'exonérer des faiblesses systémiques de l'armée rouge qui sont extrêmement profondes, notamment l'affligeante médiocrité de ses cadres. Car cette surprise, certes, on peut l'invoquer, pour expliquer les revers de la première, de la deuxième, peut-être de la troisième semaine. Mais au-delà, les ressources, considérables en hommes et en matériel de l'armée rouge, sont rentrées en jeu. On ne peut pas invoquer, jusqu'à l'hiver, les effets de la surprise. Donc je dirais, la surprise, oui, elle joue pour expliquer les revers sur la frontière, mais pas au-delà. Au-delà, cette surprise, elle est surmontée. Si l'armée rouge n'a pas été à la hauteur, c'est pour d'autres raisons que la surprise. Encore une fois, c'est dû à des faiblesses que nous n'avons pas développées ici, qui sont développées dans le bouquin, des faiblesses qui sont extrêmement profondes, enquistées depuis longtemps. Et le livre, quel livre? C'est Barbarossa, le livre que vous signez avec Lacha Okhtmezouri, 1941, La guerre absolue, aux éditions Passé Composé. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Pierre Faucillon à la technique et surtout ruiné par David Jacoboviez à la réalisation. Superfell.